Chapitre 20e, face à face. Le duc Jean de Clodion était une de ces natures chevaleresques et généreuses qui poussent le dévouement jusqu'à la plus complète abnégation de soi-même. Si Fernande avait trouvé le bonheur dans son mariage, il n'aurait pas hésité à rester dans l'ombre et à laisser impuni le crime de Don José. Mais il n'en avait point été ainsi. Dominé par Carmela, José lui avait donné la moitié d'une fortune volée et l'avait dissipé l'autre. S'il se fût arrêté là, Jean aurait encore gardé le silence. Mais lorsqu'il eut appris par Pedro Diaz que la créole, frustrée une première fois dans ses projets de spoliation, avait exigé et obtenu du bâtard qu'il fît venir la duchesse à Paris, alors il pressentit que non seulement la fortune, mais peut-être encore l'existence de son ancienne fiancée se trouverait sérieusement menacée. En effet, les actes passés de Carmela indiquaient clairement ce que pourraient être ses actes à venir. Elle ne reculerait devant rien, pas même devant un nouveau crime, pour dépouiller Fernande de tout ce qu'elle possédait. Sa première lettre à la duchesse l'avait préservée du danger qu'elle aurait couru si elle eût rejoint son mari à Paris. Mais cet avertissement ne pouvait pas suffire, et d'ailleurs, les lettres anonymes éveillent toujours, chez la personne qui les reçoit, un sentiment de défiance souvent justifié. Le jeune duc, au point où en étaient arrivées les choses, n'avait donc plus rien à ménager, et il se décida à frapper un grand coup. Ce fut alors qu'il écrivit à la duchesse cette seconde lettre, dans laquelle il lui annonçait la prochaine arrivée de Sir Johan Astley au château de Kerdal. Aussitôt son projet arrêté, il écrivit à Pedro Diaz de se rendre près de lui. Le fidèle serviteur accourut. « Dès aujourd'hui, lui dit Jean, tu n'es plus au service de José, mais au mien. Je vais au château du marquis où tu me seras nécessaire, mais comme il semblerait étrange que nous arrivions ensemble, tu resteras momentanément à Vannes et tu y attendras mes instructions. Nous partons ce soir. » « Mais, monseigneur, répondit le Texien, qui donc, quand je n'y serai plus, surveillera Carmela et son vicomte ?» « Sois sans inquiétude, mon brave ami, répliqua le jeune duc, j'ai pourvu à tout. » Une heure après cet entretien, Sir Johan Astley et Pedro Diaz quittaient Paris. Lorsqu'ils furent invités à Vannes, ils se séparèrent. Pedro alla s'installer dans un hôtel meublé et Sir Johan partit en chaise de poste pour le château de Kerdal. Il était nuit quand la chaise de poste s'arrêta devant la grille du château. Un domestique portant un flambeau vint le recevoir. Il descendit de son véhicule, entra dans le château et fit passer sa carte à la duchesse. Quelques instants plus tard, il était introduit dans le salon d'honneur. « Monsieur le marquis et madame la duchesse vont se rendre auprès de Milord, » lui dit le domestique en se retirant. Le premier objet qui frappa les regards du duc Jean lorsqu'il entra dans le salon, ce fut le portrait en pied de Fernande en toilette de bal, et il ne put se défendre d'un sentiment de vive émotion. À quelque distance de ce portrait était celui de Don José vêtu de noir et avec ce grand air particulier aux vieilles races aristocratiques. À cette vue, ses lèvres se plissèrent et un éclair de colère jaillit de ses yeux. En ce moment, la porte s'ouvrit. Il avait devant lui le marquis de Kerdal et la duchesse de Clodion dans tout le rayonnement de sa jeunesse, de sa grâce et de sa beauté. Fernande lui apparaissait plus belle encore que dans le portrait qu'il avait reçu d'elle autrefois. Il demeura pendant quelques secondes comme ébloui, et le cœur lui battait à rompre sa poitrine. Son émotion passée, il s'avança au-devant du marquis et de la duchesse et s'inclina respectueusement. Fernande, de son côté, regardait avec étonnement cet étranger au visage cuivré, aux cheveux crêpés et noirs, au regard d'où la flamme semblait s'échapper. Le vieux gentilhomme attendait avec une sorte d'impatience fébrile l'explication de cette mystérieuse visite. « C'est moi, madame, qui ai eu l'honneur de vous adresser les deux lettres anonymes que vous avez dû recevoir, » dit Jean de Clodion en s'inclinant de nouveau. La duchesse, en entendant la voix de Jean, qui rappelait d'une manière si frappante la voix de José, ne put s'empêcher de tressaillir. « Vous venez sans doute, monsieur, nous donner à ma nièce et à moi l'explication de votre intervention dans les affaires d'une famille qui vous est étrangère, » répondit le marquis de Kerdal d'un ton bref. « En me présentant devant vous, monsieur le marquis, » répliqua Sir Johan Astley, ou pour mieux dire le duc Jean, « je n'ai pas eu d'autre intention que celle-là. » « Nous vous écoutons, » dit le vieux gentilhomme en avançant un fauteuil, mais Jean demeura debout. « Avant de m'expliquer, monsieur le marquis, » continua-t-il, « permettez-moi de vous adresser une demande. Parlez, monsieur. » « Je vous prie de bien vouloir m'accorder quelques minutes pour quitter mon costume de voyage. » À ces mots gravement prononcés, l'oncle de Fernande fronça le sourcil. Il sera fait selon votre désir, répondit-il d'un ton brusque. Il sonna aussitôt. Un domestique parut. Conduisez Milord à l'appartement qui lui est destiné, dit-il. Jean de Clodion salua la duchesse et le marquis, puis il suivit le domestique. Cet homme est fou, il se moque de nous, dit le gentilhomme breton à Fernande, lorsque leur mystérieux personnage fut sorti du salon. Mon oncle, répliqua la jeune femme, sans répondre à la question qui lui était adressée, est-ce que la voix de cet étranger ne vous a pas frappé? Ce qui m'a frappé, et ce que je trouve de la dernière inconvenance, repartit le marquis de Kerdal, c'est son inqualifiable demande. Ce monsieur se croirait-il par hasard dans une auberge? Tous ces Anglais sont d'un sans-façon, vrai Dieu, ils se conduisent chez les autres comme en pays conquis. Ainsi, vous n'avez pas remarqué, mon cher oncle, comme sa voix rappelle celle de qui? De mon mari. Pure imagination, ma nièce. Et d'ailleurs, serait-ce la première fois que deux voix se ressembleraient? Sans doute, reprit Fernande, mais cette ressemblance est si grande, quand on entend parler Sir Johan Astley, je croyais que c'était le duc qui parlait. Un quart d'heure se passa, et Sir Johan Astley n'avait pas reparu. Le marquis arpentait le salon d'un pas saccadé, et ses regards interrogeaient de temps à autre la pendule. Tout à coup, il ralentit sa marche, puis s'arrêta. « Fernande, rentrez chez toi, je vais aller trouver ce monsieur, il faudrait bien que je sache. » La porte du salon qui s'ouvrit l'interrompit au milieu de sa phrase, et un jeune homme parut sur le seuil. Ce jeune homme était la reproduction vivante du portrait de Don José. Même grand air, même costume, même regard, même visage pâle légèrement nuancé d'une teinte rosée. La duchesse, en le voyant, poussa un cri de surprise. « Mon mari » fit-elle. « Mon neveu !» fit à son tour le marquis de Kerdal. « Je ne suis ni votre mari, madame la duchesse, ni votre neveu, monsieur le marquis, » dit le jeune homme en se rapprochant d'eux. « Et qui donc êtes-vous ? » lui demanda l'oncle de Fernande, toujours sous le coup que lui avait causé cette apparition inattendue. « Si vous voulez bien m'écouter, monsieur le marquis, et vous aussi, madame la duchesse, » continua le personnage qui venait d'entrer, « tout ce qui vous a semblé obscur jusqu'à présent deviendra clair à vos yeux, et vous ne serez plus surpris lorsque vous saurez ce qu'est en réalité Sir Johan Astley, qu'ils sont intervenus dans vos affaires de famille. Mais permettez-moi d'abord de fermer cette porte, car ce que j'ai à vous dire ne peut et ne doit être entendu que de vous seul. » Ces paroles n'étaient point de nature à diminuer l'étonnement de Fernande et de son oncle, et ils regardèrent le jeune étranger sans comprendre. Ce dernier, après avoir donné un tour de clé à la porte, poursuivit ainsi en s'adressant directement à la duchesse. « Ma vie, madame, a été, sans que vous le soupçonniez, intimement liée à la vôtre, et quelques mots suffiront pour vous le démontrer. » « Mon père se nommait le duc de Clodion. J'y suis, » interrompit le marquis. « Le duc avait un fils naturel, et je m'explique maintenant cette étrange ressemblance qui nous a frappés, ma nièce et moi. Vous êtes, n'est-ce pas, ce fils dont il m'avait parlé quelquefois dans ses lettres ?»« Vous vous trompez, monsieur le marquis, » répondit froidement Jean. « Je suis le fils légitime du duc de Clodion. Vous ? Vous, Jean de Clodion ?» fit Fernande avec égarement. « Ma nièce aurait donc épousé un bâtard, » s'écria avec emportement le marquis de Kerdal. « Vous allez tout savoir, » répondit le duc Jean. Au moment où il prononçait ces mots, on frappa à la porte du salon. « Qui est là ?» demanda le marquis, furieux d'être troublé au milieu de ce grave entretien. « C'est moi, » répondit une voix, « moi, le duc de Clodion. » La foudre en tombant dans le salon n'aurait pas produit un effet plus formidable que les paroles que Don José venait de prononcer. Fernande, en entendant la voix de son mari, pâlit et frissonna. Le vieux gentilhomme, comme cela arrive souvent après une violente secousse, était passé sans transition de la fureur à une sorte d'écrasement physique et moral. Affaissé sur un fauteuil et la tête dans ses mains, il avait l'immobilité d'une statue. Le duc Jean était demeuré impassible. Il s'approcha de l'oncle de Fernande et le secouant vivement par le bras. « Ouvrez, monsieur le marquis, » lui dit-il. « La Providence sait bien ce qu'elle fait. » Tôt ou tard, une explication aurait eu lieu entre José et moi. Mieux vaut qu'elle ait pour témoin la noble et malheureuse jeune femme que voilà et vous, un loyal gentilhomme. » Le marquis, réveillé comme en sursaut par ces paroles, se leva et alla ouvrir. Les deux frères se trouvaient l'un devant l'autre. L'apparition inattendue de Jean produisit sur José un effet pareil à celui de la tête de Méduse qui changeait en pierre ceux qui la regardaient. Il demeura pendant quelques instants comme pétrifié. « Lui ?» « Lui » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Je vois que vous reconnaissez votre frère, » dit le marquis de Kerdal. qui avait entendu la double exclamation que l'épouvante avait arrachée à Don José. Le fameux être ou n'être pas de Shakespeare pouvait à bon droit s'appliquer à la situation dans laquelle se trouvait le bâtard de Clodion. Il était perdu sans retour s'il ne faisait point acte d'audace. Il le comprit et il se prépara à la lutte. Il lança Jean en regard de défi, puis, se tournant vers la duchesse, toujours pâle et toujours silencieuse, « Oui, répondit-il froidement, oui, je reconnais mon frère José. » Jean de Clodion, devant tant d'impudence, ne sourcilla point. « Nous sommes en face d'un tribunal de famille, répondit-il avec un calme parfait, et ce sera lui qui décidera lequel de vous ou de moi est un imposteur. « J'accepte, répliqua le bâtard. Faites vos preuves, je ferai les miennes. » Le marquis de Cardal et Fernand échangèrent un regard qui signifiait « Lequel des deux est donc le fils légitime ?»« Lorsque vous avez frappé à cette porte, reprit le duc Jean, j'allais raconter comment vous m'aviez pris tout à la fois mon héritage, mon nom et celle qui devait être ma femme. Avec votre permission, ajouta-t-il d'un ton ironique, je vais le dire et si par hasard il m'échappait quelque erreur, je vous prierai de vouloir bien la rectifier. » Don José, contraint de subir le supplice des révélations de Jean, affectait une assurance superbe. « Parlez, » dit-il d'une voix brève. La lutte, on le voit, s'engageait résolument de part et d'autre. Le bon droit, assurément, était du côté du duc Jean, mais le bon droit triompherait-il ? Telle était la question. Le duc de Clodion, poursuivit Jean, avait deux fils, l'un issu de son mariage, l'autre qui devait le jour à une fille de basse extraction. Henriette Parker, si j'ai bonne mémoire, avait été servante avant de devenir mère, dit José avec un sourire plein de dédain. Le duc avait eu un moment de défaillance et d'oubli, continua Jean, mais il appartenait à l'une des plus vieilles familles de la noblesse française et il en avait religieusement conservé les traditions. Pour lui, l'enfant légitime était tout et sa part devait être celle du lion. « Et celle du bâtard ?» interrompit José, « la hacienda du Rio Verde. » Le duc, en agissant de la sorte, et je suis loin de l'en blâmer, se montrait encore généreux, car il ne devait rien à celui auquel il était interdit, de par l'illégitimité de sa naissance, de porter le grand nom des Clodion. « José ne fait pas de cet avis, » répliqua le duc Jean. Ce partage inégal excita sa jalousie, accrut sa haine, et de concert avec cette créole qui s'appelle aujourd'hui Madame de San Luco et dont il s'était follement épris, il fit enlever son frère pendant son trajet à la Veracruz, après lui avoir préalablement versé un breuvage qui l'avait privé de sa raison. Cet enlèvement exécuté et devenu possesseur des papiers de la famille du fils légitime, il se présenta sous un obolé en ce château, vous savez le reste. « Mais c'est épouvantable !» s'écria le marquis de Cardal. « N'est-ce pas, mon oncle ?» dit froidement le bâtard de Clodion. Puis, s'adressant à Jean, « Est-ce tout ?»« Si vous ne trouvez pas que ce soit assez, » répondit Jean, « j'ajouterai qu'avant d'arriver au fils illégitime, il fallait détruire un obstacle. Cet obstacle était le duc de Clodion, et sa mort fut résolue. « Un parricide !» firent ensemble le marquis et Fernande. « Sa mort ?» fit José en reculant. « Il eut lieu, » poursuivit Jean, « mais José n'y fut pour rien. Carmela s'était adjoint pour complice un misérable nommé Maresco, qui, jusqu'à ce jour, a échappé au châtiment, mais qui, tôt ou tard, expira son abominable crime. » Cependant, le bâtard s'était remis de l'émotion qu'il avait ressentie en apprenant que son père était tombé sous les coups de Carmela. « Mon Dieu, dit-il avec le plus grand sang-froid, il est une chose que vous oubliez pour cause, c'est que le duc Jean avait été informé du complot criminel tramé contre sa personne et que José, pris à son propre piège, vu le breuvage destiné à l'héritier légitime et devenu fou, il fut entraîné par suite de la ressemblance qui existait entre eux dans les prairies du Texas par ceux-là même qui devaient s'emparer du jeune duc de Clodion. Mais cette Carmela, qui avait voulu substituer le bâtard au fils légitime, vous auriez dû, si vous êtes Jean de Clodion, le haïr mortellement, dit le marquis de Cardal à Don José. « Oh oui, oui, je la hais, » reprit José avec une énergie sauvage. « Alors, » continua le marquis, « je ne m'explique pas votre intimité avec cette femme. »« Mon intimité, mais c'est l'enfer, c'est mon supplice de tous les jours. Carmela sait que j'ai usé de mon droit de légitime défense. Elle s'en est fait une arme contre moi, et elle me tient sous ses pieds, comprenez-vous ?» Plus que jamais les voiles qui recouvraient le sinistre mystère s'épaississaient devant les yeux du marquis de Cardal et de la duchesse. Placé entre ses deux frères, si semblables l'un à l'autre par les traits du visage, par la taille, par la voix, et qui tous deux se disaient le fils légitime du duc de Clodion, le vieux gentilhomme breton se croyait par moments sous l'empire d'un épouvantable cauchemar, et peu à peu sa raison l'abandonnait. Fernandel, sans entrevoir plus que son oncle la lumière au milieu de ses ténèbres, se trouvait toutefois comme invinciblement attiré vers l'accusateur de son mari, et quoique ne l'osant se l'avouer encore, elle pressentait que la vérité devait sortir de sa bouche. Le duc Jean, qui lisait dans leurs yeux les doutes et les incertitudes de leur esprit, jugea que l'instant était venu de les dissiper, et qu'il fallait arracher le masque dont se couvrait l'imposteur. « J'accepte comme vrai les faits que vous venez d'énoncer, » dit-il à José. « Alors, vous nous avez donc menti ?» interrompit avec emportement le marquis. Mais, continua Jean, sans répondre à cette interpellation et en s'avançant vers le bâtard, « Vous trouverez bon que j'exige que vous fassiez les preuves dont vous parliez tout à l'heure ?»« Faites-les vôtres d'abord, » répondit Don José d'un ton d'autorité. « Soit, » répliqua le duc Jean. Il prit son portefeuille, en tira un papier qu'il remit au marquis de Kerdal et le pria de lire à haute voix ce qu'il contenait. Le marquis déplia le papier et lut tout haut la déclaration suivante. « Nous tous, anciens serviteurs de feu Monseigneur le duc de Clodion, nous certifions, affirmons et jurons devant Dieu que Don José porte sur le côté gauche de la poitrine la cicatrice d'une blessure qui s'est faite étant tout enfant. » Suivaient de nombreuses signatures. José, pendant que le marquis lisait cette pièce à conviction, pâlissait à vue d'œil et ses jambes se dérobaient sous lui. Tout à coup, et par un suprême effort de sa volonté, il se redressa et d'une voix retentissante « Cette pièce est fausse » dit-il. « Accusez donc alors la justice de mensonge, » reprit Jean de Clodion en désignant au bâtard le sceau de la justice apposé au bas du papier révélateur. « Eh bien, » fit le marquis de Kerdal en se tournant vers Don José, « si vous êtes le fils légitime du duc de Clodion, comme je veux bien le croire encore, il vous est facile de le démontrer. » Le coup avait porté juste. José garda le silence et des gouttes de sueur trempaient son front. « Ne m'avez-vous pas entendu ?» continua le vieux gentilhomme en s'avançant vers lui. « Abiba, et qu'on sache enfin qui vous êtes !»« Abiba, imposteur !» répéta le duc Jean. Toute l'audace du bâtard avait disparu. Une pâleur de mort se répandit sur son visage, et ce fut d'une voix presque éteinte qu'il dit, comme en se parlant à lui-même, « Vaincu. Je suis vaincu. Hors d'ici, misérable ! Hors d'ici, ta place n'est plus parmi nous !» s'écria le marquis de Kerdal, ivre de désespoir et de fureur. « Arrêtez, mon oncle ! Au nom de mon enfant, attendez jusqu'à demain, je vous en conjure !» dit Fernande, en se précipitant aux genoux du vieux gentilhomme. « D'ici à demain, vous aurez eu le temps de réfléchir, et vous déciderez ce qu'il conviendra de faire. »